Tu dois semer partout, partout ta liberté. Pour ta fierté du monde, du monde entier, tu dois semer partout ta liberté. Un flot de joie va faire briller la terre. Et pour que personne ne soit oublié, va faire le tour du monde, va faire le tour du monde. Un flot de joie, oh, oh, oh. Va faire briller la terre. Et pour que personne ne soit oublié, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Va faire le tour du monde, va faire le tour du monde. Va faire le tour du monde. Retarde fierté du monde, du monde entier. Tu vas semer partout ta liberté. Tu vas semer partout ta liberté. Tu vas semer partout ta liberté. Un flot de joie, un flot de joie va submerger la terre, mais seulement pour les guerres d'âme, pour les guerres d'âme, que vous avez tant fait souffrir, juste parce qu'ils ont descendu. Juste parce qu'ils ont des sentiments, et qui pourra vous excuser, et qui pourra vous excuser, personne ne pourra vous excuser. Retarde fierté du monde entier. Tu dois semer partout ta liberté, sinon tu vas étouffer de ce que tu n'auras pas fait. De ce que tu n'auras pas fait, de ce que tu n'auras pas fait. Retarde fierté du monde, du monde entier. Retarde fierté du monde. Ta liberté, oh, yo, ta liberté.